Le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Konoe Dadaderu, et sa suite ont visité le Palais des sciences et techniques.